femme, tes armes, c'est ton âme, c'est toi. Garde, regarde et prends garde à toi. Femme, redoute l'inconnu qui vient. D'autres, bien d'autres, ont perdu pour rien. Femme, tes armes, c'est ton âme, c'est toi. Lutte, dispute, ou ta chute viendra. Femme, pour vivre, tu verras, c'est dur. Cible, concrible, brasant. Wow.